Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la Chine ramène-t-elle tout au centre? Le rapport entre les centraux et les excentrés est-il d'ordre ontologique ou culturel, demande la sinologue Han Chang. Faut-il parler de racisme ou de culturalisme? Quel rôle joue le contrôle du qi? Pourquoi trouver commode l'habitude et trouver juste la coutume? Pourquoi interroger les rites funéraires? Et pourquoi est-il intéressant d'introduire le texte sur les cannibales en pleine guerre de religion de Montaigne quand on interroge la notion de civilisé et de barbare en Chine? Han Chang, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, nous propose cette année, selon ses mots, de décentrer le pays du milieu, de questionner sur la longue durée du monde antique à aujourd'hui, nous dit-elle, la prétention chinoise à l'universalité et de sonder un espace circulatoire plus large où s'esquissent les interactions avec les grands voisins, l'Inde et le Japon, dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde ». Tout en introduisant de nouvelles questions, Han Chang reprend au travers de citations en chinois qu'elle traduit aussitôt de manière sonore et pédagogique les notions abordées l'année précédente et les textes fondamentaux de Confucius, de Mencius et le fameux traité des rites. Elle a donc rappelé la place du confucianisme et du ritualisme pour assurer la stabilité et l'harmonie du pays du milieu. Et elle a mis en évidence comment la forme carrée en damier à 9 cases est la forme par excellence à l'origine de l'organisation spatiale, symbolique et hiérarchique de la Chine, l'architecture du palais de la lumière, le Mingtang, en étant la parfaite illustration. Le carré se décline à l'infini et à la marge de ces carrés, à l'extérieur, il y a les barbares, au cœur de bêtes sauvages, formule canonique, dont elle explore les images d'altérité. Elle a noté dans le cours précédent que lorsque l'étranger se caractérise par sa précipitation, l'être civilisé en Chine prend tout au contraire son temps, agit de manière solennelle, ne s'offusque pas d'une toute petite part de bouillon quand il attendait un gros morceau de viande à son arrivée à la cour royale. Selon la sinologue, grande traductrice des entretiens de Confucius, les rites sont faits pour ralentir les gestes, leur ôter leur caractère violent et irréfléchi. Alors que se passe-t-il pour les terres en dehors de l'effet transformateur ou civilisateur du Fils du Ciel, en dehors de la cour royale? Que signifie la métaphore de la bête sauvage rapportée aux autres peuples, aux barbares? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 30 novembre 2017 pour le cours d'Han Chang, aujourd'hui, qui sont les vrais sauvages? Avant d'aborder plus spécifiquement les rapports de cette Chine avec ses voisins immédiats, donc l'Inde d'un côté et le Japon de l'autre, il nous a paru important d'examiner de près là où les façons dont cette centralité chinoise, foyer de civilisation, a appréhendé ce qu'elle considérait comme en dehors et même hors de portée de son effet civilisateur, cette zone grise dénommée donc Huawei-Jeti, c'est-à-dire donc les terres en dehors donc du roi, c'est-à-dire de l'effet transformateur ou civilisateur donc du fils du ciel. Alors vous remarquerez peut-être que j'ai ajouté donc les transcriptions des noms de ces peuplades considérées comme non civilisées donc aux quatre orients. Donc vous avez donc les Yi à l'est, c'est-à-dire donc qui correspondent à peu près au Japon. Au sud, les Man, donc l'Asie du Sud-Est. À l'ouest, les Zhong, donc l'Asie centrale. Et au nord, les Ti, qui seraient donc les Russes d'aujourd'hui. Alors, comme à propos des Grecs, on a beaucoup dit et répété que la centralité Han a considéré les autres purement et simplement comme des barbares. Et c'est donc pourquoi ce mot de barbare a été adopté sans trop de réflexion et de manière un petit peu routinière. On a cité tous les textes dont nous avons vu certains la dernière fois, comme le Changguoce, c'est-à-dire donc les registres des pays ou des royaumes combattants, ou le Guoyu, donc les propos des pays. Donc tous ces textes ou ces autres sont comparés à des qinshou, c'est-à-dire donc des oiseaux et des bêtes sauvages. Ce que Yuri Pines, comme que je citais la dernière fois, appelle le beast semele, c'est-à-dire donc la métaphore de la bête sauvage. Alors, comme je l'ai souligné, comme vous le voyez donc sur la diapositive, ici vous avez donc cette formule récurrente du ruo qin shou. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a l'ajout de ruo qui veut dire donc comme ou comme si. Et donc tout est effectivement dans ce ruo, c'est-à-dire ce sont des gens qui se comportent comme des bêtes sauvages. On ne dit pas que ce sont des bêtes sauvages, mais ils se comportent comme tels. Alors, en effet, nulle part il n'est dit que ces sauvages ne sont pas des êtres humains, ou même qui sont d'une espèce inférieure. Les textes insistent plutôt sur le fait qu'ils poussent les yi, c'est-à-dire donc qu'ils ne connaissent pas les rites. Et en conséquence, on a vu la dernière fois que ne pas connaître les rites, ça se traduit dans le comportement par le fait de se jeter sur les choses, c'est-à-dire de ne pas se freiner, de ne pas ralentir ses gestes, mais au contraire, donc, ce sont des gens à qui on reproche de foncer tête baissée et de se jeter sur la nourriture. Le texte ici aussi dit qu'ils ne savent même pas attendre, ni s'effacer pour céder la place. Autrement dit, ce sont des gens qui foncent, enfin qui suivent aveuglément leurs impulsions. Alors, en d'autres termes, à propos de ce que Yuri Pines appelle donc le Sino-Barbarian Dichotomy, c'est-à-dire la dichotomie chinois-barbare, est-ce qu'il faut parler donc de racisme ou plutôt de culturalisme? Et c'est la question que un certain nombre d'entre vous est venu me poser et discuter donc à la fin du cours. Donc ça, c'est la grande question. Autrement dit, le rapport entre donc les Zhongguo, donc les centraux, et les excentrés, ceux qui sont en dehors donc de la zone centrale, ou bien en termes chinois, la distinction entre Hua, donc Hua ou Huaxia d'un côté et Yi ou Yidi de l'autre. Est-ce qu'elle est d'ordre ontologique, c'est-à-dire est-ce que nous avons affaire à des espèces ou des races différentes, ou bien est-ce que il s'agit d'une distinction simplement d'ordre culturel, hein ? Est-ce qu'il s'agit seulement de, au fond, de différences de comportement, de mœurs, d'us et coutumes ? Ça, c'est donc vraiment la question centrale. Donc, si la distinction est d'ordre culturel, comme semble le dire la plupart des textes, du moins ceux d'inspiration confucéenne, on en déduit que les Yi, hein, ces ex-centrés, ont la possibilité et même la capacité de devenir civilisés, ou du moins de se laisser civiliser. Alors, les maîtres confucéens qui ont laissé des traces textuelles semblent être plutôt nuancés sur cette distinction entre civilisé et non civilisé. Vous avez par exemple cette phrase des entretiens de Confucius, en chinois le Lun Yu, donc au livre 3, chapitre 5. Cette phrase donc, qui a été très violemment controversée. Alors, cette phrase dit donc, « Zi yue, yi di zhi you jun, bu ru zhu xia zhi wang ye. » Donc, le maître dit, les Yi Di, c'est-à-dire donc ces non civilisés à la périphérie, hein, qui ont des Jun, c'est-à-dire des princes ou des souverains, des chefs, Puru, hein, donc ne sont pas comme les Zhuxia, c'est-à-dire donc les pays centraux, hein, qui n'en ont plus. Alors, là aussi, tout se joue dans le sens qu'on donne à Puru. Donc, les premiers commentateurs donc, de cette phrase, hein, ont compris, dans un sens plutôt favorable justement à la thèse culturaliste, c'est-à-dire donc que les Yidi qui ont des princes, ne sont pas comme les pays centraux qui n'en ont plus, c'est-à-dire implicitement, au fond, ils valent mieux, hein, en ayant justement eux des princes que les pays centraux qui n'en ont plus. Et c'est donc l'interprétation que j'ai suivie dans ma propre traduction donc des entretiens. Mais il est intéressant de noter que à partir donc du 7e siècle, hein, donc nous sommes au tout début de la période Tang, hein, les commentateurs changent complètement d'interprétation, hein, et du coup, cette seconde interprétation est celle qu'on a retenue par la suite et qui est encore retenue dans les traductions et interprétations modernes, hein, et qui est, elle, plus favorable justement aux pays centraux. Hein. Et donc, cette autre interprétation dit ceci, donc les Yidi, même s'ils ont des princes, hein, ne valent pas, hein, les Huaxia, donc les pays centraux, qui n'en ont plus. Hein. C'est-à-dire que les pays centraux, même sans princes, sont toujours supérieurs donc aux Yidi, qui, eux, ont des princes. Alors, évidemment, là, vous voyez à quoi justement tient donc une très grande différence d'interprétation. Toujours est-il que, pour en revenir à la phrase sur laquelle nous terminions la dernière fois, donc à en croire le Mencius, en chinois donc Maître Mengzi, Mencius qui est donc considéré comme un des héritiers donc majeurs de l'enseignement confucéen au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Selon lui, donc la différence entre humain et animaux, donc entre l'humain et la brute, est extrêmement ténue. Elle ne tient véritablement qu'à un fil qu'il s'agit de préserver, faute de quoi l'humain a vite fait de retomber dans la brutalité. Je vous rappelle cette phrase, Meng Ziyue, donc Maître Meng dit, donc, ce qui fait la différence entre Ren, l'humain, et l'oiseau et la bête sauvage est extrêmement, c'est un fil extrêmement fin, la différence est extrêmement ténue. Les communs du peuple, les gens ordinaires, ont vite fait donc de le perdre de vue, ce fil ténu, alors que l'homme de bien, c'est celui qui parvient à le préserver, donc à préserver cette ténue différence entre l'humain et l'animal. Je voudrais ensuite revenir aussi sur un texte que j'ai eu l'occasion de citer ici même récemment lors du colloque de rentrée sur la question des natures au pluriel. Mais il me paraît que ce texte est important justement pour notre propos ici. Alors nous n'allons pas le lire, je vous lis simplement la traduction. Ce texte apparaît donc également dans le Mensus, au livre 6, première partie du livre 6, section 8, où on vous dit, donc Meng Ziyue, donc Maître Meng dit, les arbres du Niushan, du mont du bœuf, étaient très beaux par le passé. Mais étant à proximité de la capitale d'un grand pays, on les a coupés à la hache. Comment donc pourrait-il conserver, donc comment est-ce que cette montagne pourrait conserver sa beauté. Donc là, justement, lors du colloque de rentrée, je signalais au passage que nous avons ici la preuve que le phénomène du déboisement, qui provoque tant de problèmes dans la Chine du Nord, en particulier actuellement, a commencé très tôt. Donc nous sommes au IVe siècle avant l'ère chrétienne, donc vous voyez un peu ce que ça peut donner à peu près 25 siècles plus tard. Du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit et de l'humidité que leur apporte pluie et rosée, il leur repousse bien quelques surgeons. Mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter, ces surgeons. Voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénuement. En la voyant ainsi dénudée, on croit qu'elle n'a jamais eu de bois, mais comment cela pourrait-il être sa nature de montagne ? En effet, quand vous voyez les peintures chinoises, en fait, on n'imagine pas donc une montagne qui n'ait pas de forêt ou d'arbres par-dessus. Quant à ce qu'on trouve en l'homme, donc là nous avons une sorte de parallèle entre les arbres, la nature et l'homme, comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste ? Donc ici vous avez ces termes clés de l'enseignement confucéen, donc Zhen, le sens de l'humain, et Yi, le sens du juste, qui pour Mencius donc sont font partie justement du fond humain. Nous venons au monde avec ça. Bon, Ce qui fait que l'homme abandonne son esprit foncièrement bon est ce que la hache fait aux arbres. Si la hache en coupe jour après jour, comment pourrait-il garder leur beauté ? Du fait du repos qu'un homme prend durant le jour et la nuit, et de l'énergie, donc le chi, le souffle vital, donc de l'énergie que lui procure le petit matin, ses attirances et aversions sont peu ou prou celles d'un être humain. Mais ensuite, ce qu'il fait pendant la journée l'amène à perdre le bénéfice acquis pendant le repos. J'indique entre parenthèses, et c'est pour ça que justement toutes les pratiques sur le qi, sur l'énergie vitale, ce qu'on appelle le qigong, se pratiquent le matin au lever. Hein. C'est pas très conseillé d'en faire le soir. Hein. Bon, je referme la parenthèse. Donc le texte continue. À force de déperdition, son énergie, son qi accumulé pendant la nuit ne suffit plus pour subsister. Et quand cette énergie est tarie, notre homme n'est plus très loin d'une bête sauvage. Autrement dit, le matin au réveil, vous avez refait le plein d'énergie, vous êtes encore un être humain, et le soir, vous retrouvez proche de l'état de bête sauvage, hein, quand vous avez perdu totalement votre bonne énergie pendant la journée. Donc, en voyant en lui une bête sauvage, on croit que cet homme n'a jamais eu de potentialité pour la bonté. Mais est-ce là sa pente naturelle d'être humain ? Ainsi, pour peu qu'il trouve de quoi se nourrir, tout être se développe, hein, sous-entendu harmonieusement, hein. Mais qu'il perde cette nourriture et il est condamné à dépérir. Autrement dit, donc pour Mencius, en fait, le fait que nous force est de constater autour de nous et en nous que nous ne sommes pas toujours des êtres humains très bons, hein, c'est que c'est simplement une question de déperdition justement de cette bonne énergie. Et le passage se termine sur une citation donc de Maître Krong, Confucius. Tiens-le ferme et il restera, laisse-le aller et il se perdra. Il n'y a pas d'heure à ses allées et venues, nul ne sait où il réside. Et Mencius conclut en commentaire, n'est-ce pas de l'esprit humain qu'il s'agit ? Donc, au fond, le grand effort justement de l'éthique confucéenne, c'est de préserver justement cette énergie vitale bonne, hein, et de savoir la cultiver exactement comme un jardinier cultive son jardin. Et permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse pour rendre de nouveau hommage à Françoise Héritier, comme vous savez, décédée dernièrement. Dans l'une des dernières interviews qu'elle a accordées, en l'occurrence au journal Le Monde, datée du 5 novembre, on lui posait évidemment la question, c'est une question d'actualité, vous incriminez l'indulgence de la société à l'égard des soi-disant pulsions masculines. Évidemment, là c'est une question rendue d'actualité par l'affaire Weinstein, bien sûr. Et Françoise Héritier répond, bien entendu, nous sommes des êtres de raison et de contrôle, pas seulement de pulsion et de passion. Si j'ai une pulsion mortifère à votre égard, je ne vais pas vous sauter dessus pour vous égorger. La vie en société impose des règles. Mais on a si longtemps accepté l'idée que le corps des femmes appartenait aux hommes et que leur désir exigeait un assouvissement immédiat, On justifiait ainsi le port du voile, l'enfermement des femmes, voire le viol. Seule la femme serait responsable du désir qu'elle suscite. Mais enfin, c'est insensé, je crois l'entendre, hein, François Héritier. C'est se reconnaître inhumain que d'affirmer qu'on nourrit des pulsions incontrôlables et qu'on ne nous parle pas de désir bestial. Les bêtes ne violent pas leurs partenaires, sauf les canards, je crois, et jamais ne les tuent. Là, ça, c'est ce que je préfère dans cette interview, c'est le « sauf les canards, je crois ». Donc, ça, je n'ai pas vérifié, mais... Bien, alors, revenons donc à nos moutons confucéens, si j'ose dire. Vous l'avez compris, les confucéens conçoivent donc les non-civilisés comme des êtres qui ne connaissent pas les rites, c'est-à-dire qui ne savent pas justement contrôler leur qi, hein, leur énergie. Le Collège de France et France Culture vous présente la sinologue Han Cheng sur l'universalité en Chine. Aujourd'hui, qui sont les vrais sauvages ? Vous avez d'autre part des critiques des confucéens, parce que dans la Chine pré-impériale notamment, les débats vont bon train, hein, et encore une fois je m'insurge contre cette idée préconçue que le débat n'existe pas en Chine. Hein, ça c'est une idée qu'on a longtemps entretenue pour mieux opposer la Chine à la Grèce, n'est-ce pas ? Donc les critiques des confucéens critiquent en premier lieu justement le ritualisme confucéen. Et au premier rang de ces critiques, vous avez ceux qu'on a appelés les moïstes, hein, c'est-à-dire donc les adeptes de Maître Mo, hein, Mozi. Alors Mozi, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui aurait adhéré donc à l'enseignement confucéen, mais qui, un petit peu à la manière de Salieri vis-à-vis de Mozart, a été aussi en fait son premier critique. Donc les moïstes expliquent pour leur part la soi-disant sauvagerie par un relativisme culturel aux résonances, comme nous allons le voir, parfois très modernes. Puisque pour les moïstes, cette différence entre civilisé et non civilisé, c'est surtout une question de conditions de vie et de différence de coutumes. Donc, n'ayez pas peur, vous avez une belle tartine là de chinois, donc un long passage tiré du chapitre Tietzang. Xia, c'est-à-dire la dernière partie donc de ce chapitre, Tietzang, qui veut dire donc de la mesure, du sens de la mesure dans les funérailles. Ici donc dans ce chapitre se concentre donc une grosse partie justement de la critique moïste vis-à-vis du ritualisme confucéen, puisque le ritualisme confucéen, on y a assez insisté lors des cours précédents, tourne essentiellement autour justement du culte des ancêtres et des rites funéraires. Donc ici, les moïstes attaquent bille en tête justement ce ritualisme confucéen et notamment donc ce qu'ils considèrent comme des rites funéraires beaucoup trop élaborés, hein, et par conséquent dispendieux. Alors, la première phrase, justement, vous indique de quoi il s'agit. Donc, Jin zhi hou zang, jiu sang zhe yan yue. Donc, ceux qui prônent des funérailles dispendieuses et un deuil prolongé ont ceci à dire. Donc là, ceux qui sont visés, ce sont très nettement donc les Confucéens, donc qui préconisent donc des funérailles extrêmement élaborées, avec des doubles sarcophages, etc., etc. Donc vraiment des funérailles qui peuvent coûter très cher. Et un deuil prolongé, donc on a vu que pour les parents, c'est un deuil qui doit durer 3 ans. Alors, 3 ans pendant lesquels, évidemment, on est un petit peu, comment dire, hors circuit, hors service, etc. Et par conséquent, on ne participe pas véritablement à la vie active. Et tout ça, c'est un motif de critique chez les maoïstes. Alors, ces Confucéens, comment, donc, selon les maoïstes, comment justifient-ils ces hōzhāng jiǔsāng, donc ces funérailles dispendieuses et ce deuil prolongé, guo fei sheng wang zhi dao, fu hu shuo zhongguo zhe junzi, wei er bu yi, cao er bu zhe zai. Donc ces funérailles et ce deuil prolongé, si l'on suppose que ce n'était pas donc la voie des sages rois, comment expliquer que les hommes de bien, les junzi des pays centraux, des Zhongguo, les pratiquent sans discontinuer et les maintiennent sans discriminer? Et la réponse de Mozi est la suivante. Zi Mozi yue, ci so wei bian qi xi er yi qi su zhe ye. Donc, c'est ce qui s'appelle trouver commode l'habitude et trouver juste la coutume. Ensuite, vous avez 3 exemples qui sont pris donc chez des peuplades considérées comme excentrées, non civilisées. Donc, vous avez 3 exemples qui sont pris à l'est, au sud et à l'ouest. Donc là, le nord n'est pas mentionné. Donc là, je rentre pas dans le détail du texte. Je résume en traduction. Donc, à l'est de Yue, vous avez un pays où la coutume veut que le premier-né soit découpé en morceaux et mangé, afin, dit-on, de favoriser les fils à naître. Donc le premier, on le sacrifie. Et quand le grand-père meurt, la grand-mère est emportée dans un endroit et abandonnée, au motif que on ne vit pas avec l'épouse d'un fantôme, hein, de quelqu'un qui est défunt. Alors, moi qui suis très cinéphile, je ne peux pas m'empêcher de penser donc à ce très beau film japonais, donc la balade de Narayama. Hein, où vous voyez ici donc le fils emporter sa vieille mère donc sur une montagne pour l'abandonner là. Et j'en profite aussi pour vous annoncer la sortie prochaine en salle d'un film chinois que j'ai eu la chance de pouvoir visionner donc en avant-première, qui sortira, je crois, juste à la veille de Noël, le 20 décembre. Et qui s'appelle en français donc Le rire de Madame Lin, d'un jeune réalisateur chinois appelé Zhang Tao, qui me paraît quelqu'un de tout à fait prometteur, et où il est question justement d'un sujet tout à fait brûlant en Chine, de savoir quoi faire des vieux. Parce que traditionnellement, donc les parents âgés restent dans la famille et continue donc à s'occuper des petits-enfants. Sauf que maintenant, nous sommes donc dans la Chine du 21e siècle, en pleine montée en puissance, en pleine prospérité économique, et avec les résultats donc d'une politique de l'enfant unique qui a duré plusieurs décennies. Et par conséquent, maintenant, les vieux, tout le monde a envie de s'en débarrasser. Donc, cette Madame Lin a 3 enfants qui veulent la placer donc dans une espèce de maison de retraite, une espèce de mouroir au fond. Bon, Donc, un petit peu le même schéma mutatis mutandis que la balade de Narayama, n'est-ce pas? Et j'attire votre attention sur donc le titre en chinois, qui est Shi Sang, c'est-à-dire c'est une sorte d'oxymore ou de contradiction dans les termes, c'est-à-dire Sang, vous retrouvez donc le mot qui désigne les funérailles, donc enfin le deuil, et Shi veut dire la joie ou l'allégresse. Hein. Donc nous sommes en fait dans une situation donc déjà de pré-deuil, mais dans le rire. Cette Madame Lin justement se signale justement par un rire tout à fait paradoxal. Bien. Alors je reviens donc à mon texte. Vous avez ces mœurs sauvages de l'Est, hein, donc des mœurs au fond cannibales, et en plus où on se le comble du manque de piété filiale pour les Confucéens, c'est de se débarrasser donc des parents. Hein. Ensuite, vous avez un exemple qui est pris au sud, hein, au sud de Chuo. Hein. Il y a un pays où, quand un parent meurt, hein, on laisse pourrir la chair, qui est ensuite jetée au rebut, et on enterre les os en signe de piété filiale. Là aussi, bien sûr, c'est plutôt choquant, mais c'est fait exprès. Et enfin, le troisième exemple se situe donc à l'ouest de Qin. Donc Qin, c'est ce pays qui se situe donc autour de l'actuelle ville de Xi'an, donc mais qui représentait avant l'établissement justement du premier empire par Qin, comme l'extrême ouest enfin de l'espace civilisé chinois. Hein. Donc encore à l'ouest de Qin, il y a un pays où quand un parent meurt, on ramasse du bois pour faire un grand feu sur lequel on brûle le corps, et lorsque la fumée s'élève, on appelle cela l'ascension dans les nuées, et c'est considéré comme le summum de la piété filiale. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la crémation des morts sur des bûchers est une pratique encore courante, notamment en Inde. L'Inde qui se trouve justement à l'ouest de Qin. Bien. Alors, vous avez dans ce texte une formule récurrente. Ça, c'est quelque chose qu'affectionne le style du Mozi, hein, donc au risque de paraître un petit peu répétitif. Donc, Ci shang yi wei zheng, xia yi wei su. Wei er bu yi, cao er bu ze, ze ci qi shi ren yi zhi dao zai, ci su wei bian qi xi er yi qi su zhe ye. Donc les shang, c'est-à-dire donc ceux qui sont en haut, les supérieurs, autrement dit les gouvernants, considèrent cela, hein, donc ce que nous venons de décrire, cela comme un mode de gouvernement. Et les xia, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, les inférieurs ou les gouvernés, considèrent cela comme de la coutume. Donc tout le monde le pratique sans discontinuer et le maintient sans discriminer. Mais est-ce bien là le zhen yi zhi dao, c'est-à-dire la voie de l'humain et du juste, autrement dit la voie confucéenne? Et c'est seulement ce qui s'appelle trouver commode l'habitude et trouver juste la coutume. Donc c'est la phrase initiale de Maître Mo. Ensuite, vous avez une considération tout à fait significative. Donc, Ruo yi zi, ruo san guo zhe guan zhi, zhe yi you bo yi. Donc, si l'on considère ces coutumes funéraires du point de vue, hein, vous avez ce quan, hein, donc du point de vue de ces trois contrées excentrées, elles sont par trop bois, c'est-à-dire frustes, littéralement minces. Autrement dit, ce sont des funérailles vraiment trop frustes. Mais si on les considère du point de vue des hommes de bien des pays centraux, elles sont par trop élaborées. Donc là, vous avez ici cette prise en compte du point de vue qui me paraît intéressante et qui montre que ici, les moïstes ont un sens justement du relativisme culturel. Rubi, ce ta ho. Donc ces coutumes-là sont trop élaborées, ces coutumes-ci sont trop frustes, or il y a une juste mesure dans les règles d'inhumation. Donc vous avez la distinction entre ceux-ci qui en font trop et ceux-là qui en font pas assez. Donc vous avez ici l'idée que, au fond, la vérité n'est ni d'un côté ni de l'autre, elle est quelque part au milieu. Et donc le texte se termine sur des préconisations extrêmement précises que donne Mozi concernant la juste épaisseur du cercueil et la juste profondeur de la fosse, qui sont calculées en fonction donc d'exigences matérielles, parce qu'il dit si il faut que le cercueil, excusez-moi de ces propos de croque-mort, mais donc il faut que le cercueil soit assez épais pour que qu'il n'y ait pas d'odeur qui se dégage, et que la fosse soit assez profonde justement pour que l'inhumation se fasse dans des bonnes conditions. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que justement cette bonne mesure dans les règles funéraires n'est pas dictée par des exigences rituelles, mais par des exigences d'ordre matériel. Et vous avez un autre passage, et j'en aurais terminé sur cette question du moïsme, avec ce passage qui est tiré, lui, d'un autre chapitre qui s'intitule Lu Wen, c'est-à-dire donc les questions de Lu, Lu étant le pays natal de Confucius. Donc ce passage est encore plus explicite dans sa critique relativiste. Alors, on nous dit ceci, donc Lu Yang Wenjun Yu Zi Mo Zi Yue. Donc Yang Wen, seigneur de Lu, dit à maître Mo: Chu Zhi Nan Yu Dan Ren Zhi Guo Zhi Qiao. Au sud de Chu. Donc là, nous sommes de nouveau dans cette zone excentrée. Il y a un pays de mangeurs d'hommes. Qi guo zhe zhang zi sheng, zhe xian er shi zhi, wei zhi yi di. Donc dans ce pays, lorsque naît le fils aîné, il le mange tout jeune et appelle cela la façon juste d'honorer le cadet. Donc il semble qu'il y ait ici une sorte de panachage de ce que le chapitre que nous avons lu précédemment, donc la juste mesure dans les funérailles, disait du pays à l'est de Yue. Ici c'est situé donc au sud du pays de Chu. Et vous avez donc ce caractère ici. Donc vous aviez donc au sud du pays de Chu dans le chapitre précédent ce pays qui s'appelait Yen, mais ici vous avez l'ajout de du radical de la bouche, et du coup ça devient le verbe manger, donc il s'agirait d'un pays de mangeurs d'hommes, de cannibales. Ensuite donc le texte continue, donc Mei zhe yi wei qi jun, jun xi zhe shang qi fu, qi donc, si la chair est bonne, si la chair du bébé est succulente, ils en font offrande à leur prince, et si le prince est content, ils récompensent le père. N'est-ce pas là une coutume horrible ? Ça, c'est la question donc de ce seigneur de l'eau. Réponse de Maître Mo, Zi Mo Zi Yue. Sui Zhongguo zhi su, yi you shi ye. Donc, même si on prend les coutumes des pays centraux, on en trouve aussi de semblables à celles de ces cannibales. Sha qi fu, shang qi zi. He yi yi, shi qi zi, shang qi fu zhe zai. Mettre, parce que chez nous, dans les pays centraux, on met à mort le père et on récompense le fils. En quoi est-ce différent du fait de manger le fils et récompenser le père? Pour peu que l'on fasse abstraction donc, du sens de l'humain et du juste, en quoi peut-on condamner ces yi, yiren, ces sauvages, au motif qu'ils mangent leur enfant? Alors, je ne sais pas si tout ça ne vous rappelle pas furieusement quelque chose. Mais que, bien sûr, les cannibales de montagne. Bon, je crois que nous sommes tous passés par là, ce fameux chapitre des cannibales, qui fait partie des essais de Montaigne, dont je rappelle les dates, 1533-1592. Donc nous sommes au XVIe siècle. Je rappelle que le Collège de France a été fondé en 1530. Le XVIe siècle est censé être le siècle de la Renaissance, et pourtant. Alors, vous avez ici une illustration que vous trouvez à la bibliothèque de Rouen et qui représente l'entrée du roi Henri II en la bonne ville de Rouen le 1er octobre 1550. Donc, vous avez l'arrivée, justement, en grande pompe de la suite du roi. Et vous avez donc ces gens ici, tout nus, ici, là. Alors, c'est que, pour justement cette visite royale, les autorités de la ville de Rouen avaient eu la bonne idée de lui offrir un spectacle exotique, donc celle de ces Indiens, Amérindiens du Brésil, qui étaient donc censés avoir l'air très nu, très sauvage et très bon pour la danse. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que 12 ans plus tard, en 1562, donc le successeur de Henri II, Charles IX, revient donc dans cette même ville de Rouen. Et c'est donc à cette occasion que Charles IX se serait également donc fait montrer ses indigènes, et ce serait également à cette occasion que Montaigne aurait eu l'occasion de rencontrer certains de ces Indiens du Brésil et d'échanger avec eux à travers un interprète. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'entre-temps, la ville de Rouen a été le théâtre de l'une des batailles majeures de la première guerre civile entre catholiques et protestants. Donc là, je vous passe le détail. Juste avant la visite royale, donc la ville avait été occupée donc par les protestants et ensuite reprise par les catholiques, mené par Antoine de Bourbon, qui se trouve être le père du futur Henri IV. Et Antoine de Bourbon donc a laissé la vie donc dans la bataille. Donc Rouen est finalement reprise par les catholiques, et c'est donc après justement la levée du siège que le jeune roi Charles IX, qui est alors âgé de 12 ans, entre en triomphe dans la ville. Et comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que Michel de Montaigne donc aurait rencontré donc ces Indiens du Brésil.

qui s'étaient ralliés à leurs adversaires usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusque à la ceinture et tirer au demeurant du corps force coups de trait et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre cette-ci. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action. Mais oui, bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. À déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, ça c'est une allusion aux tortures encore en pratique en France bien jusqu'au XVIIIe siècle, voir l'affaire Calas de Voltaire. Le déchirer, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Donc nous avons évidemment une allusion plus que limpide aux guerres de religion qui faisaient rage en France au moment où Montaigne écrivait, et qui ont connu, donc, comme vous le savez très bien, un paroxysme de violence dans la nuit de la Saint-Barthélemy, donc en août 1572, donc 10 ans après la visite de Charles IX en la bonne ville de Rouen. Et donc, au moment même où ces Indiens sont exhibés en spectacle pour le divertissement du roi de France et où font rage les guerres de religion en France, se tient donc une controverse qui demeura fameuse sous le nom de controverse de Valladolid. C'était les cours du Collège de France le 30 novembre 2017. Vous venez d'écouter Anne Cheng, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Aujourd'hui, qui sont les vrais sauvages? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Anne Cheng. La sinologue est notamment l'auteur d'une traduction des entretiens de Confucius au Seuil, et je rappelle également son Histoire de la pensée chinoise chez le même éditeur. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre enquête en compagnie d'Anne Cheng sur la centralité et l'universalité en Chine. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.